to Overdrive on Radio Dio. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, le groupe culte Rainbow Rainbow avec son album Rising paru en 1975, il y a de ça 50 ans, et ce Run With The Wolf, certainement pas le morceau le plus, on va dire, le plus connu de cet album, mais qui reste un super titre sur lequel la voix de Ronnie James Dio fait toujours des merveilles. Voilà, donc dans Overdrive ce soir, on devrait avoir de l'excellente musique. Restez bien dans votre rocking chair, derrière votre tuner. On aura l'interview du groupe Pearl tout de suite, enfin un peu plus tard dans l'émission, qui viendra nous présenter son album Architecture du Voyage pour les amateurs de métal onirique et ambiant. Mais pour l'heure, place à du bon hard rock heavy metal qui fait taper du pied avec Hell in the Club et son Dirty Love. Down in the corner, alone in the dark, I'm a L in the Club, Dirty Love, tout de suite sur Overdrive, Radio Duo. On continue maintenant avec l'un des derniers singles de Megadeth, Tipping Point. Je crois qu'il devrait publier un nouveau titre très bientôt avec I Don't Care, l'album le futur, et ça devrait être le dernier album du groupe, sortira début janvier, il me semble. En tout cas, ça reste du Megadeth pur jus, et à voir si le père Mustaine raccrochera définitivement les guitares. Autre annonce qui a fait un peu jaser les internets ces dernières semaines, le père Mustaine a décidé, pour boucler la boucle, d'enregistrer une reprise de rien d'autre que Ride the Lightning de Metallica, un morceau pour lequel, selon ses dires, il aurait largement participé à l'écriture des guitares. We'll be right back. Vous venez d'entendre Megadeth avec son Tipping Point, extrait de leur futur album qui paraîtra au début 2026. Ce soir dans Overdrive, j'ai la chance, l'honneur d'avoir le groupe Pearl. Alors je ne sais pas si la prononciation de ce groupe, est-ce que c'est Pearl comme en anglais ou Pearl comme en français. En tout cas, il y a un tréma sur le E avec Bastien qui tient le rôle de la basse justement dans le groupe. Est-ce que tu nous entends ? J'entends très bien. Bon, bah, parfait. Tu es là pour nous présenter ton groupe Pearl et cet album Architecture du Voyage qui a vu le jour courant octobre sur la Clonosphère. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, on a affaire à une musique très ambiancée et onirique qui rappelle un petit peu, bien sûr, tout ce qui est post à la fois rock et metal, même si les influences un petit peu extrêmes sont souvent, ou alors parfois, présentes. Comment est-ce que, justement, est-ce que tu présenterais à la fois ton groupe et est-ce que la définition que j'en ai faite convient ? Bah, la définition convient très bien, en fait. On a un peu du mal à être classé, donc c'est vrai qu'en général, l'étiquette post-metal fonctionne bien. Ça peut être post-black aussi, par moments, pour les passages un peu plus violents. Et mon batteur aime bien dire qu'on fait, plutôt que d'étiquette, on fait du métal sensible, rageur et politique. Ok, pourquoi pas. En tout cas, vous avez fait le choix justement du chant français. Qu'est-ce qu'il en est ? Et justement, vous êtes même allé jusqu'à reprendre un morceau, on va dire, qui est chanté à la base en islandais. Et le reprendre en français. Donc, est-ce que c'est une, on va dire, ça fait partie du postulat de base que de justement mettre la langue française en avant ? Ça n'a jamais été discuté. C'est-à-dire que dès le début, Aline, notre chanteuse qui écrit les paroles, en fait, est très très fan de littérature française. Et donc du coup, c'était beaucoup plus logique pour elle d'écrire immédiatement en français que d'essayer notre langue telle que l'anglais, où elle était beaucoup moins à l'aise à l'époque. Donc elle a gardé en fait cette touche très littéraire qu'on retrouve encore de nos jours. Donc je pense que c'est un espèce de mélange entre à la fois beaucoup d'écoute de rock français, mais aussi énormément de lecture de poésie en français, qui a un peu guidé ce choix dès le début. Oui, votre album a vu le jour il y a de ça quelques semaines déjà. Je crois que vous avez déjà fait quelques dates. Est-ce que vous avez des retours sur cet album ? Et qu'est-ce qu'il en est ? Alors, on a fait deux dates. On a fait une date à Rennes, une date à Paris pour la release party. Pour l'instant, on a quasi intégralement que des bonnes chroniques. On est vraiment très touchés en fait, du retour du public. À la fois via des chroniques dans la presse et à la fois via les gens qui sont venus nous voir en concert par rapport à cette nouvel album. Alors un peu comme tous les groupes, lorsqu'on sort un album, on a toujours tendance à dire oui, celui-là il est vraiment meilleur que les autres, que les précédents, l'album de la maturité, mais en l'occurrence on sent même dans les retours en fait un vrai pas en avant d'une certaine manière. En tout cas, ce qui frappe, c'est la qualité de la production, puisque je pense que dans ce style-là, si on n'a pas vraiment, on va dire, une musique qui est mise en son de manière correcte, la mayonnaise a tendance à ne pas vraiment prendre, on pourrait dire. Mais en tout cas, on a quelque chose qui est flatteur d'un point de vue du groupe et qui, justement, permet cette appel au voyage qui ne serait pas possible si on n'avait pas justement quelque chose qui était fait de manière sérieuse, tout simplement. Comment est-ce que vous avez pris, comment vous y êtes pris, et est-ce que c'était différent de ce que vous aviez connu précédemment? Mais justement, on a appliqué à peu près les mêmes recettes, c'est-à-dire que tout l'enregistrement, mixage, production a été fait par Étienne Sartou, donc ancien batteur d'Acmé, maintenant dans Deliverance ou Caras, et le mastering par Magnus Lidberg, de Cult of Luna. En fait, c'est le troisième album qu'on fait avec ce duo, et en fait, je pense qu'au fur et à mesure, tout comme on a commencé à comprendre de mieux en mieux comment est-ce que Étienne travaillait, Étienne a également de mieux en mieux compris sans doute notre son et la meilleure manière de le mixer, de le faire ressortir. Et je pense qu'on a aussi gagné en expérience de notre côté, tout comme lui a gagné en expérience dans son métier de producteur et d'ingénieur du son. Donc, on a vraiment pas révolutionné notre manière de travailler, mais je pense que c'est plutôt étape par étape des progrès qui sont mis les uns après les autres. Entre les trois derniers albums et qui donne celui-là. Et j'imagine que la difficulté est d'avoir à la fois un son qui soit très ample, avec beaucoup de réverbération, de délai, de choses comme ça, et qui soit en même temps suffisamment précis pour les passages un peu plus rapides, justement, où on garde un peu l'attaque du métal, sinon tout est noyé. Donc je pense que c'est quand même un équilibre sonore qui est quand même assez difficile à obtenir. Ouais, disons sur les passages qui tapent justement plutôt métal, on est plutôt sur des passages un peu black ou voire un peu plutôt lourd, peut-être un peu doom, qui demande quand même une précision qui est moins importante que si on était sur du death technique ou d'autres styles qui sont justement très très précis. Donc c'est peut-être justement parce qu'on est plutôt vers ce type de métal extrême qu'on arrive à avoir un joli continuum entre des passages plutôt calmes, très vaporeux, et ensuite des passages métal, mais qui gardent quand même cette espèce de côté vaporeux également. Donc j'ai regardé un petit peu le descriptif du groupe, et il me semble qu'en plus de ton poste de bassiste, tu gères tout ce qui a trait au light du groupe. Donc est-ce que c'était dans la volonté de départ du groupe de développer un petit peu cet aspect visuel? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris au fur et à mesure des années? Et ou est-ce que au contraire, on va dire ton rôle de on va dire l'aspect visuel est aussi important que l'aspect musical pour toi? Alors moi historiquement, j'ai commencé en fait à faire des lumières et un peu de son pendant mon adolescence dans une petite MJC Aumet-sur-Seine qui s'appelle Chaudron. Donc vraiment, je suis de l'école des bénévoles des MJC d'une certaine manière. Donc je faisais de la lumière dans ce cadre-là. J'ai ensuite fait pas mal de lumière plutôt dans des associations étudiantes pour du théâtre. Et il se trouve qu'à un moment, on a beaucoup travaillé avec un ami qui était technicien lumière également. Et lorsqu'il a décidé d'arrêter de travailler avec nous, je me suis dit, je pense qu'en fait, j'ai à peu près le niveau pour le faire. Il faut juste que je trouve les moyens techniques pour pouvoir contrôler à la fois les lumières et le son pendant que je joue. Et tout s'est fait, en fait, à partir d'une technologie qui me permet de contrôler à la fois les effets que j'utilise à la basse et les lumières dans la salle. Donc tout est plus ou moins programmé en avance, à la différence près qu'on, vu qu'on ne joue pas au clic, on a une approche qui est toujours un peu old school dans notre manière de jouer en live. Je change les lumières quand je change de son, lorsqu'on change de riff, lorsqu'on change d'ambiance. D'accord, donc tu pilotes à la fois des lumières en même temps que tu joues de la basse. Exactement. Donc ça, c'est quand même un sacré pari, et j'imagine que ça doit être parfois assez tendu de faire des claquettes, j'imagine, en même temps que tu joues ton instrument, quoi. Ça me rappelle d'ailleurs un petit peu Jedi Lee de Rush, dans un style différent bien sûr, qui chante, joue des parties de basse en plus très techniques, et enclenche des claviers au pied en même temps, quoi. Ouais, alors en fait, le fait de me poser la question de comment je pouvais contrôler des lumières, ça m'a justement simplifié la gestion de mes effets. C'est-à-dire qu'avant, typiquement, je devais appuyer sur trois pédales pour passer d'un son très métal à un son très post-rock. Et maintenant, j'appuie sur un bouton et ça me change mes pédales en même temps, plus les lumières. Donc, ça va presque simplifier mon jeu en fait de devoir aller vers plus d'automatisation. Seule chose, c'est que sur scène, en même temps que je joue de la basse, j'ai toujours un petit regard, un petit quart de cerveau qui est concentré sur que font les lumières autour de moi pour être toujours un peu en veille et être sûr que tout fonctionne correctement. Mais la dernière date là qu'on vient de faire à Paris, tout a fonctionné admirablement bien et j'étais assez content de. Je suis toujours assez content après coup de voir des vidéos et de me dire, ah ouais, ça ressemblait à ça, c'était vraiment cool. Bah, j'imagine. En plus, ça fait partie du principe du ce qu'on appelle le shoegaze, c'est-à-dire de regarder ses chaussures en jouant. Et que de là, j'imagine, toi, c'est pas vraiment les chaussures, mais plutôt des pédales et des foot switch, on va dire. Ouais. Après, ce travail sur les lumières, ça vient aussi avec une réflexion plus globale sur le fait de ne pas vouloir proposer juste un concert, mais vouloir proposer un spectacle. C'est-à-dire où on travaille avec une vraie intro de concert, une vraie fin de concert, des tableaux, des moments où vraiment l'esthétique sur scène va être tout aussi jolie que le son. Et travailler sur des transitions, des moments un peu plus forts. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir l'aspect lumière a aussi enclenché on va dire ce truc vers on va pas juste faire un concert, on va essayer de faire un spectacle. Et justement, est-ce que c'est pas un peu difficile dans le cadre d'un club ou d'un festival de mettre en place justement cet aspect visuel, tous les endroits ne sont pas forcément adaptés à ce genre de choses? Ben, c'est vrai qu'on est plutôt habitué à des petits clubs, des petites salles où justement on peut venir avec nos propres lumières et on a du temps d'installation. On n'a pas pris ce risque typiquement sur le Hellfest qu'on a fait l'année dernière parce que. Bah, comme beaucoup de gros festivals, t'arrives, t'as une demi-heure pour t'installer, faire ton soundcheck, tu vas pas en plus t'amuser à essayer de contrôler les lumières du festoche de cette manière-là. Donc on avait réembauché Yannick pour l'occasion, qui était notre technicien lumière, qu'on lui a dit mec, est-ce que ça te dit de revenir pour une date, c'est un Hellfest? Il a fait bah ouais. Non, on a encore le. Je pense qu'on il y a encore pas mal de trucs à explorer, justement cette problématique sur des festivals où on a peu de temps d'installation. Ouais, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on commence à travailler. Oui, j'imagine que là, ça passe par l'automatisation. Bah, c'est un petit peu comme maintenant, beaucoup de groupes utilisent non plus des amplis qui sont peut-être lourds à transporter, fragiles, et puis, on va dire, un peu capricieux d'un point de vue du son, mais préfèrent rentrer directement dans la table de mixage avec des appareils qui sont dédiés pour ça. Là, il y a également beaucoup d'automatisation qui est possible avec des lumières. Après, la difficulté, c'est que c'est toujours beaucoup de logistique à transporter. Ouais, il faut quelqu'un en plus du bassiste pour s'en occuper parce que normalement avoir deux rôles en même temps, ça commence à être Ouais, il va falloir faire un choix, j'imagine. difficile avec des ça commence à être difficile avec des timings un peu plus serrés. Et j'imagine Non, que mais ouais, si tu il devais va falloir. choisir un rôle, ce serait plutôt bassiste que Ah lighteux. oui, carrément. Ceci dit, moi, je sais ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'aspect création de lumière, c'est-à-dire c'est un peu pour moi le pendant de la composition, c'est se dire quelle ambiance, quelle lumière, quelle couleur, quelle intensité je veux mettre sur tel ou tel morceau. Finalement, être celui qui pousse ensuite les boutons techniquement pour allumer telle ou telle lumière pour que ça corresponde à l'ambiance, ça m'intéresse un peu moins. Donc et c'est ce qu'on faisait avec le technicien lumière précédent, c'est-à-dire que je m'occupais peut-être un petit peu plus de la création artistique au niveau des lumières et lui s'occupait un petit peu plus de la logistique et de la technique sur le concert en lui-même. Donc c'est un travail de scénographie, on pourrait dire. Ouais, donc j'aurais absolument aucun problème, tu vois, à me dire que je fais juste la basse sur des concerts, mais que je travaille un peu en binôme avec quelqu'un d'autre qui, le jour J, va mettre lui-même son expérience et son feeling pour rendre dans l'idée qu'on a pu imaginer ensemble auparavant, quoi. Ok, et j'imagine que c'est quelque chose que tu dois germer au fur et à mesure que les compositions se créent. Alors, je ne sais pas comment vous écrivez la musique dans Perle. Est-ce que c'est, on va dire, un petit peu l'ancienne, dans une salle de répétition tous ensemble? Est-ce que c'est des, comme beaucoup de groupes font maintenant, des démos qui sont envoyées à droite à gauche, créées par un musicien qui envoie aux autres, et ainsi de suite? On est complètement à l'ancienne, c'est-à-dire que le 99% du temps, on se retrouve ensemble dans la même pièce et on commence à jammer. On dit, ah tiens, ce riff-là, il est cool, on va partir de ça. Et on construit les morceaux petit à petit, comme ça, en le travaillant tous ensemble. Donc on fait des retours en arrière, on change des parties, on change des parties de batterie, on modifie la guitare. À la fin, on a un morceau complet, et vient ensuite le moment où Aline lâche d'une certaine manière la guitare et commence à poser le chant et écrire les textes sur les morceaux. Mais on a essayé de travailler un peu en dématérialisé, chacun chez soi, et c'est pas du tout une méthode qui nous correspond. Et puis j'imagine que vous faites quand même malgré tout une musique, même si elle est quand même qui utilise, on va dire, un peu des technologies modernes, qui reste quand même assez organique. Ouais, alors technologie moderne, oui, mais je pense qu'en soi, on aurait pu faire la manière dont on travaille, on aurait pu le faire exactement de la même manière il y a 20 ans. C'est-à-dire que quand je vois des groupes maintenant modernes, surtout dans le metalcore, où tout est absolument programmé sur le clic, les effets qui se lancent automatiquement, etc., etc., et c'est un travail hallucinant. On est dans une optique qui est complètement opposée pour le coup. Ok, je peux te proposer de passer un premier titre pour ce soir avec Naufragé des nuages. Il me semble que c'est peut-être le morceau qui a tendance à rentrer directement dans le vif du sujet, plus que peut-être le reste de l'album. Qu'est-ce qu'il en est de ton côté? Quel est le point de vue que tu as sur ce morceau au regard du reste des compositions d'architecture du Vertige? Effectivement, c'est peut-être un peu le morceau radio, justement. C'est un morceau qui est quand même taillé un peu refrain, couplet, refrain, pont, refrain, d'une certaine manière. Alors, c'est pas le seul de l'album, mais c'est celui où on s'est dit il représente bien, d'une certaine manière, l'ensemble de l'album condensé dans ce morceau-là. En étant en plus assez efficace, un peu catchy, donc. Ouais, parce que là, on a une composition de 4 minutes 30, vous pourriez presque passer sur énergie. C'est rare, on s'est étonné nous-mêmes à réussir à faire des morceaux aussi courts sur cet album. Bon, écoute, je te propose d'écouter ça tout de suite avec un extrait de cet album Architecture du Vertige. Je pense que je me suis trompé, j'ai dit Architecture du Voyage tout à l'heure. Architecture du Vertige par le groupe Perle, ce sera Naufragé des nuages. Je me sens m'en aller. J'ai perdu le fil du rasoir pour un chemin expiatoire. Je quitte le navire, le manoir, l'arche aux mille émois. J'ai le cœur qui bat si vite et si puissant que plus rien ici-bas ne se raccroche au présent. J'ai lancé le reste de raisons que je gardais dans mon corps pour m'installer dans la passion comme dans une longue mort. J'ai la tête toute perdue qui tourne sous l'auréole. Je suis sous l'eau, abattu, mes genoux tombent au sol. J'ai touché la ligne, la fin, esprit du corps au plan. J'ai mal et je m'éteins à trop rêver. Come on, come on. Des meurtres, ils se dressent. je renie et tout dort. Les fumées sont parfaites dans ces ondes d'or et sourd. De l'eau dans les yeux, je renie. Voilà pour le groupe Pearl sur Overdrive. Est-ce que tu es toujours là, Bastien ? Ouais, toujours ici. Eh ben, parfait. Tu nous racontes cet album Architecture du Vertige par le groupe Pearl qui a vu le jour il y a de ça deux semaines. Ouais, 24 octobre. 24 semaines à peu près. Deux semaines. Un excellent album. Vous adorez Solstafir. La musique un peu post, à la fois rock, metal, black, tout ce que vous voulez. Ça tombera dans cette catégorie. Les musiques également un petit peu ambiantes. Même on peut faire le lien avec, je pense, à des groupes comme The Gathering qui avait dans les années 90. Ouvert justement la voix avec justement ces voix féminines mais qui se voulaient pas symphoniques pour autant et qui avaient justement une certaine mélancolie dans la voix. En tout cas une excellente production, une excellente réalisation. Ici, sur cet album Architecture du Vertige, vous avez fait le choix de reprendre Fiera de Solstafir, qui peut-être est un morceau qui est un classique de nos jours. Donc c'est sympa déjà d'avoir un morceau qui a été composé dans les années post-2010 et de le dire que c'est un classique de ce style-là. Et vous avez fait le choix de le reprendre, mais en français. Donc d'où était venue cette idée ? En fait, on aime bien dans l'exercice de la reprise de se dire on va pas juste faire un copier-coller de la reprise originale, jouer de notre manière en essayant de coller au maximum, ce qu'a fait le groupe, mais plutôt de se dire ok, voilà à peu près la mélodie principale, les accords, le thème des paroles. Comment est-ce qu'on peut prendre ces éléments ainsi que l'ambiance globale et essayer de faire comme si on l'avait composé nous-mêmes d'une certaine manière. Que les gens se disent « Ah tiens, ça ressemble à Fiera, mais c'est pas exactement Fiera, c'est Fiera si Pearl l'avait composé. » Et donc du coup, très vite, on s'est dit bah, « De toute façon, la logique voudrait que si on avait vraiment composé nous-mêmes ce morceau, on l'aurait chanté en français. » Donc du coup, il y avait un petit travail de traduction, on est parti de l'islandais, Internet nous a permis d'aller de l'islandais à l'anglais. Et ensuite, à partir de l'anglais, il y a eu un gros travail de réécriture pour le réécrire pas du tout de manière littérale, mais de le réécrire avec les modalines, d'une certaine manière, avec la poésie qui va avec. Et ce qui nous a vraiment fait plaisir, c'est qu'on a demandé l'autorisation au groupe pour sortir cette reprise. Et donc, on leur a envoyé à la fois les paroles en français, mais aussi une traduction la plus proche possible de nos paroles en français en anglais. Et donc, on a eu un retour de l'ancien batteur du groupe qui nous disait que, en tout cas, vu qu'il avait, c'est lui qui avait composé, qui avait écrit ses paroles, et il disait que la manière dont on les a reprises correspondait beaucoup à l'esprit original, tout en étant des mots différents. D'accord. Et ça nous avait beaucoup touchés, d'ailleurs. Et justement, est-ce que ce batteur-là, vous lui avez envoyé, on va dire, le produit fini ? Est-ce qu'il a écouté la version de l'album et est-ce que vous avez eu un retour ? Oui, oui, oui. Ben, en fait, la version mixée, masterisée a été envoyée au compositeur et parolier du morceau pour qu'il donne leur accord. Alors, je sais que tous les groupes ne le font pas. On a essayé de le faire un peu dans les règles et donc, du coup, ils ont écouté le morceau. D'accord, donc le management officiel a donné son tampon. Oui, exactement. En tout cas, les musiciens du groupe ont donné leur accord pour qu'on sorte la reprise, effectivement. Pour que ce soit voilà, gravé dans les sillons de l'album, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, le batteur a fait un très joli message où il disait que vraiment, il avait beaucoup aimé la reprise. J'avais croisé également, j'étais allé discuter un peu avec le chanteur à la suite d'un concert de Sostafir sur Toulouse, qui m'avait dit aussi que c'était très différent, mais qu'il avait aussi apprécié la reprise. Donc, c'est vrai que même nous, tu vois, en tant que fans de Sostafir, avoir les musiciens qui disent votre reprise de notre morceau, il est cool, ça fait vraiment plaisir. Ah, j'imagine, ouais. Est-ce que vous pensez que c'est une influence qui est commune entre tous les musiciens de Perle? On a tous beaucoup écouté cet album. Après, on n'a pas forcément tous suivi le groupe sur ses évolutions plus récentes. Moi, je sais que je l'ai fait. En tout cas, c'est un groupe dont la mélancolie me touche beaucoup, d'une certaine manière. Et aussi, aussi, bien sûr, leur aspect un peu post-black, parfois un peu plus rugueux, quelque chose qu'on aime énormément. Même s'ils l'ont peut-être un peu perdu sur les productions plus récentes. Il y a un peu de post-black qui est revenu justement. Qui est peut-être revenu sur le tout dernier, ouais, je ne l'ai pas assez pensé. L'avant-dernier peut-être plutôt, il était quand même plus rugueux, quoi. Mais. Ça reste en tout cas un groupe à suivre et qui a marqué, on va dire, avec une personnalité assez, assez forte. C'est ça qui peut parfois manquer. On a beaucoup de choses qui sont très bien faites, mais qui. Parfois manque un petit peu justement d'âme ou alors tout simplement de personnalité. Ouais, je pense que ce morceau, le reprendre en essayant juste de recopier note pour note ce que jouent les musiciens, c'est un casse-gueule incroyable. C'est-à-dire que le morceau hyper minimaliste, le toucher de batterie est incroyable. Les touchés de guitare sont hyper beaux. Le chanteur a comme une voix qui est très particulière. Donc, je pense que personne pourrait jouer ce morceau à la manière de Solstafir, d'une manière aussi jolie que Solstafir. Donc, ça imposait en plus le fait de se dire comment est-ce qu'on peut le modifier pour. Parce qu'on n'arrivera jamais à le faire sonner de la même manière que le font sonner d'une façon aussi jolie. Ouais, et puis j'imagine qu'en plus, avec l'accent, etc., ça, on va dire la barrière de la langue peut non, poser ouais, quelques c'est... difficultés. En particulier, d'ailleurs, le chanteur de Solstafir sur certains albums il est presque parfois un petit peu faux en tout cas presque à la limite, mais en tout cas ça donne presque un charme en fait. Ouais, j'aime bien dire un peu pour rigoler qu'il chante vraiment comme une patate et que c'est ça que je trouve absolument incroyable. Ouais, on ne sait pas si c'est voulu ou si c'est assumé complètement ou si c'est simplement fait un petit peu à l'arrache. Hein. Il y a un côté un peu punk, il y a un côté un peu... je pense que c'est... En même temps, je sais que personnellement, moi, j'aime beaucoup aussi les chanteurs qui n'ont pas des grandes voix très techniques, mais où toute l'émotion vient justement de tous ces défauts, de toutes ces fêlures qui sont, que lui, il a complètement. Oui, il y a certainement un peu de ça, oui, certainement un peu de ça. En tout cas, revenons-en à Perle, justement. Est-ce qu'on a, derrière cet album Architecture du Vertige, est-ce qu'on a là, peut-être pas un concept album, mais en tout cas un fil conducteur d'un point de vue des thématiques et peut-être des paroles? Il y a complètement un fil conducteur. C'est le cas de la plupart des albums, d'ailleurs. Là, en l'occurrence, sur celui-là, c'était un album qui s'est recentré vraiment sur... sans dire qu'il est autobiographique, c'est un album qui s'est recentré beaucoup sur les émotions humaines. Et vraiment, et chaque morceau, en fait, correspond d'une certaine manière à une émotion que Aline a essayé d'associer au niveau de l'écriture avec un lieu qui est soit fictif, soit réel. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées autour, il y a beaucoup de choses qui se passent finalement autour de l'océan et de l'atmosphère, d'où l'artwork qui va avec l'album. Mais d'une certaine manière, ça commence avec un personnage principal qui se protège un peu du monde extérieur en s'enfermant dans son imagination, jusqu'à ce que en fait ce mécanisme de défense ne fonctionne plus et on arrive avec naufragé des nuages tout de suite. C'est la colère, c'est d'une certaine manière l'agression d'un monde extérieur et tout l'album raconte un peu ce voyage et ce vertige ou cette chute même depuis cette première position où on se sent protégé, toute l'agression du monde extérieur, le retour à un peu d'amour, puis une déception et la fin de l'album où il y a on dit que finalement on peut retrouver un peu d'espoir à travers la beauté et l'art d'une certaine manière. Ok, j'imagine. Donc, tout ça est illustré par la pochette de l'album également, avec on imagine un ciel, une montagne et puis comme une âme qui erre un peu entre les deux. On a voulu au maximum donner à la fois l'impression que ce personnage pouvait chuter ou s'élever. Et où du coup, on ne sait pas vraiment dans quel sens ce personnage est en train d'aller. Et ça correspond assez bien avec cette idée aussi de vertige. Est-ce qu'il est en train de tomber ou est-ce qu'il est en train justement d'aller au ciel? C'est vrai qu'on a une idée de mouvement, mais on ne sait pas vraiment dans quelle direction. En tout cas, on va passer maintenant au deuxième morceau avec cette reprise dont on parlait de Sol Staffir avec Fiara. Mais avant de se quitter, Bastien, quels sont les projets à l'heure actuelle pour Perle? Est-ce que j'imagine que vous avez peut-être clippé quelques titres? Alors je crois que celui de Fiara est déjà sorti, mais peut-être que d'autres morceaux sont en préparation. Ou alors... peut-être des concerts. Qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle de Perle et comment est-ce que vous allez ensuite défendre cet album? Il y a une tournée qui est en cours de préparation qui sera plutôt du coup pour le premier semestre de l'année prochaine. Donc entre autres, soit des dates aux alentours de la région parisienne, soit des dates vers le sud-ouest. Étant moi-même maintenant toulousain, je serais très content de bouger mes camarades dans le sud-ouest pour quelques dates. Donc tout ça est en préparation. On a un projet un peu ambitieux de clip animé sur un troisième morceau de l'album, là qui demanderait beaucoup de travail et des financements. Donc on attend de voir un petit peu le résultat des subventions. Mais on a encore pas mal de projets. Là, on s'est plutôt fait la main dans des petites salles. Il faut maintenant qu'on prépare le show pour des salles de plus grande taille. Et peut-être des premières parties de ce genre de choses pour la tournée. On espère très fort. Et ben, en tout cas, on suivra ça dans Overdrive en espérant vous voir du côté de la région Auvergne et Rhône-Alpes, entre Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et Lyon, voire même Grenoble. En tout cas, bien entendu, dans Overdrive Radio Dion, on se fera le relais de tout ça. Et encore une fois, Bastien, te remercie pour le coup de fil. Tu féliciteras l'équipe qu'il y a en entier derrière ce très bon album. Et on va envoyer tout de suite le morceau Fiara par Perle avec cette reprise de Sol Staffir. longtemps. Et voilà pour le groupe Pearl avec cette reprise de Sol Staffir Fiera et le morceau, bien entendu, comme je l'ai dit, Fiera encore une fois. On remercie Bastien pour la fantastique interview ce soir. On continue avec le groupe suisse Samael qui nous revient 8 ans après l'album Cérémonie et Hégémonie. Ils nous ressortent un nouveau single qui sera extrait de leur prochain album. Ça s'appelle Black Matter Manifesto. Yes, voilà pour le groupe Samael, Black Matter Manifesto. Et on va continuer avec un groupe de cette époque qui nous revient là aussi avec cet opus enregistré en live, Opus Diabolicum. Et ce sera en compagnie de l'Orchestre Symphonique de Lisbonne. Bien entendu, je parle de Moonspell. Le groupe vient de nous sortir cet album live en Blu-ray, un DVD, deux CD, et également on retrouve donc du Moonspell avec l'album qu'ils avaient enregistré intégralement en portugais, et bien sûr un best-of de leurs morceaux les plus connus. Comme on est dans une période de pleine lune, je me suis dit pourquoi pas passer un petit Full Moon Madness par le groupe Moonspell. Hey! As mãos pelos bolsos para todos contam. Aqui à frente, pelo meio, lá atrás e lá em cima. Vamos lá, Lisboa! Yeah! excellente version de ce Full Moon Madness par le groupe Moonspell, et on continue tout de suite avec Mystic Circle, sorti sur leur tout dernier album qui a vu le jour sur Raining Phoenix Music. Ce sera The Scarlet et ça s'appelle Exen Brand, et ce sera le morceau Scarlet Queen of Harlots, tout de suite par du métal extrême avec Mystic Circle. We'll be right back. Après Mystic Circle, on va passer au groupe Hunt Down tout de suite avec du bon vieux hardcore qui va vite avec des morceaux courts et incisifs. Hunt Down, extrait de cet album This Is War, ce sera le morceau Darker Truth sur Overdrive. Sans transition, on enchaîne avec le groupe Violence et le morceau The Block. Because Et après ce Violence par le groupe The Block, ce sera autour de 1914 avec ce Siege of Pretzmesil qui voit le jour sur Napalm Records pour les amateurs, là aussi, de métal extrême pour ce groupe ukrainien. Yeah. Voilà pour le groupe 1914. Et maintenant, tout doucement, on va se dire au revoir au doux son du bâtard, plutôt des bâtards, du roi et de cet album sorti sur le label Les Acteurs de l'Ombre Productions. Ce sera pour du black metal mélodique avec, pour se quitter, cette âme sans repos. On rappelle encore une fois l'interview du soir, c'était Perle. On remercie Bastien pour l'interview. C'est un superbe album que je conseille à tout le monde si vous aimez le post-rock, black ou autre. L'âme sans repos par les bâtards du roi en roi. T'appelles le www.radiodio.org. On rappelle également le www.facebook.com/overdrive-radiodio et les podcasts hébergés sur la plateforme Mixcloud. Merci, ciao. Bye bye et passez un bon week-end. J'ai signé par obligation sur ma peau.